Chapitre 3e. Fritz le bègue. Le général Smith arpentait sa chambre de long en large, dans un état de grande agitation. Il tenait à la main la note courte, mais si chargée de choses, que Bill lui avait envoyé en toute hâte des avant-postes. Quelques officiers qui se trouvaient dans sa chambre malgré l'heure matinale, et à qui il adressait de temps en temps la parole, ne semblaient pas moins émus que lui. Guy Fawkes n'est pas au fort, réellement ? Demanda-t-il au moment où un nouvel officier entrait précipitamment pour lui faire un rapport de service sommaire. « J'ai fait moi-même l'appel de tous les hommes, » répondit le nouveau venu. « Il n'est pas là. » « Mais le poste 27 m'a fait connaître que Guy Fawkes, un peu après la retraite et aussi hier soir, vers 10h30, a quitté le fort en montrant à laisser passer de votre main, mon général. » Smith frappa du pied. Sa figure martiale se colora sous l'influence d'une violente colère. « Ce coquin !» Il faut qu'il ait contrefait mon écriture, car jamais je ne lui ai rédigé semblable laisser-passer. Maintenant, je crois jusqu'au moindre mot ce que cet excellent Bill Cody m'a fait savoir, mais c'est vraiment trop infâme. Le misérable avait toute ma confiance. Je n'aurais jamais cru une trahison possible de sa part. À quelle compagnie appartient Fawkes ? Un officier de haute taille, la barbe noire et la physionomie fermée et comme coulée en bronze, s'avança. À la mienne, mon général. Ah ! « Capitaine Brown, c'est à la vôtre. »« Parfaitement, je me souviens. C'est vous qui m'avez proposé il y a quelque temps cet individu pour secrétaire. »« Est-ce un reproche, mon général ?» fit l'officier vivement. « Je tiens Fawkes pour le plus honnête des hommes, incapable d'une trahison. Il expliquera son absence en même temps que son retour. Au reste, qu'est-ce que c'est que ce Bill Cody, si tant est que ce soit son nom, qui ose se permettre de jeter le soupçon sur des soldats éprouvés ? Où sont les papiers que Fawkes aurait livrés traîtreusement à l'ennemi ? De sa trahison, il ne peut y avoir aucun doute, déclara l'officier qui venait d'arriver. J'ai fait procéder à une perquisition minutieuse dans ses effets et j'ai trouvé les preuves écrites que voici. Donnez-les, s'écria le général avec empressement. On aurait pu croire que le capitaine Brown faisait un mouvement comme pour arracher les documents à son camarade avant que celui-ci eût le temps de les transmettre au général. En même temps, une émotion terrible agitait son visage impassible d'ordinaire. Mais les officiers étaient trop sous le coup de la surprise causée par ces révélations pour s'inquiéter des jeux de physionomie de leurs camarades. De son côté, le général Smith était trop ému pour s'étonner que Brown s'approchât tout contre lui et qu'il étudiât d'un air inquiet les papiers compromettant par-dessus son épaule. Sa physionomie devenait graduellement plus libre et moins soucieuse. À la fin, toute la gêne de ses traits, tendue jusqu'à se contracter, avait entièrement disparu. « Ces documents sont en effet accablants au premier chef, » dit-il du ton décidé qui lui était habituel. « J'ai eu entière confiance en Fawkes, mais c'est un traître et il mérite la mort. »« Il faudrait auparavant tenir le gaillard, » gronda le général. « Quel affront que pareille chose se produise dans un fort commandé par moi. Fawkes reviendra, dans tous les cas. » « Il ne peut pas se douter qu'il est découvert, » dit aussitôt le capitaine Brown, parlant avec une singulière précision. « Il peut avoir rendez-vous au-delà des avant-postes avec un complice. » Mais il est trop absurde que ce Bill Cody ne soit pas la place pour jeter au visage de l'homme ses écrasantes accusations. « Avant toute chose, amenez-moi l'individu, le Fawkes, » dit le général non sans impatience. « Avec votre permission, je vais me rendre aux avant-postes et y faire une ronde. » J'espère, au cours de cette opération, rencontrer Fawkes, qui m'est bien connu, et clore promptement cette affaire. Si l'état d'esprit du général avait été plus calme, il n'aurait pas manqué de trouver le zèle du capitaine surprenant, d'autant qu'il passait pour un officier sans grande ardeur. Mais dans la circonstance, il le remercia en lui serrant la main. « Oui, amenez le gaillard à la place. Il faut que j'aie une certitude. »« Je ferai de mon mieux, mon général. » Le capitaine Brown salua et quitta la salle. Si le général Smith avait pu voir l'expression d'ironie qui se répandit sur les traits du capitaine lorsqu'il fut dehors, il aurait aussitôt révoqué son ordre. Brown se rendit en hâte à la chambre qu'il habitait dans le fort. Là, il alluma une lumière. Il ferma la porte et les fenêtres, dont il tira les rideaux avec soin. Alors il alla vers une armoire, la déplaça, non sans effort, se baissa sur le plancher mis à découvert et en souleva une lame qui était mobile. De cette cachette, il retira une poignée de papier. Puis il remit soigneusement la chambre en ordre, alla à la cheminée et brûla les papiers l'un après l'autre. lorsque le dernier morceau eut disparu dans les flammes et qu'il eut par surcroît de précaution palpé et passé entre ses doigts les cendres qui restaient. Le capitaine respira comme s'il avait un gros poids de moins sur la poitrine. Il se releva. « Mille tonnerres ! J'en suis sorti, mais je n'en menais pas large !» murmura-t-il dans sa barbe noire. Si le vieux avait conçu le moindre soupçon à mon endroit et qu'il le fait perquisitionner ici, j'aurais bien pu, moi aussi, gambier à la fourche d'une branche. C'est fâcheux pour les papiers, mais ma vie m'est encore plus chère que l'or des rebelles. Il s'agit maintenant de faire disparaître ce Fox. C'est dommage, le gaillard était si utile. Il me plairait joliment d'en retrouver un aussi adroit, toujours dans les bureaux du général en chef. » Il mit sa ceinture d'ordonnance, y glissa un revolver et sortit de sa chambre. Lorsqu'il eut le fort derrière lui, le cri des sentinelles tout autour l'avertit qu'il était 5 heures. « Il est grand temps, » murmura Bran par lui. « Ce Fox ne peut plus rester longtemps dehors. Par bonheur, je connais la direction exacte d'où il doit venir, et il ne saurait rester inaperçu. » Se disant, le capitaine se mit à courir. Il ne ralentit pas que lorsqu'il atteignit les derniers avant-postes. Il les dépassa et marcha vers une éclaircie au-delà de laquelle la forêt se dressait de nouveau. Le capitaine s'y enfonça et reprit sa course à travers le bois silencieux et encore plein de l'obscurité nocturne. Au bout d'un quart d'heure de cette même allure, il s'arrêta soudain. Son oreille exercée avait perçu dans le lointain le battement des sabots d'un cheval venant au-devant de lui. Bran n'avait eu que le temps de se dissimuler derrière un gros sapin quand le souffle du cheval se fit entendre tout près. L'aube commençait à poindre, à peine perceptible. Le capitaine aux écoutes vit tout à coup se dresser devant lui la forme d'un cheval qui paraissait énorme dans le gris indécis du crépuscule. « Hé, Guy, holà ! » fit le capitaine à voix basse. « Arrêtez, c'est moi !» Mais le cavalier ne paraissait pas avoir la moindre envie de donner suite à cette invitation. Au premier appel du capitaine, une exclamation de terreur s'était échappée de ses lèvres, et maintenant il faisait mine de donner de l'éperon à son cheval et de vouloir s'éloigner en redoublant de vitesse. « Arrête donc, tête de sot !» cria encore le capitaine de manière à ne pas se faire entendre de loin. « Ne reconnais-tu pas ma voix ? Je suis le capitaine noir !» En même temps, il sautait à la bride du cheval. Taillé en Hercule comme il l'était, il parvint à briser l'élan de l'animal. Il entendit alors une voix qui ne ressemblait nullement à celle de l'homme qui l'attendait, lui dire « Vous êtes le capitaine ? Le capitaine Bran, sûrement, n'est-ce pas ?»« Parfaitement, » fit le capitaine déconcerté et effrayé à son tour. « Mais vous n'êtes pas Guy Fawkes ? Non, par le diable, ce n'est pas vous. Qui êtes-vous donc ?»« Vous ne me reconnaissez pas, capitaine ? Je suis Nat Golden. Mille tonnerres !» Le capitaine, dans son étonnement, recula d'un pas. « Ainsi, c'est à toi que ce damné Pilcody a enlevé les papiers. Comment vous savez cela ?» s'écria stupéfait cet honnête et vaillant Nad. « Mais c'est vrai, vous avez raison. »« Tu es un joli imbécile, » gronda Bran. « Raconte, que s'est-il passé ? Et surtout, comment montes-tu le cheval de Guy ?»« Il n'y a aucun sortilège sous roche, capitaine. Tout est arrivé très naturellement, » dit Nad Golden, qui, sur un signe de l'autre, se laissa glisser de son cheval. Bill Cody m'est tombé dessus et en un clin d'œil, il m'avait enlevé mes papiers. Tout considéré, c'est un garçon superbe. Mon crâne bourdonne encore du coup qu'il m'y a asséné. Avance, avance, pressait Bran, avide de tout savoir. Tu penses peut-être que c'est le moment de nous délecter au charme de la conversation? Eh bien, si je voulais me garder de la potence, il fallait ne pas regimber sous la main de Bill Cody et lui dire tout ce que je savais. Un rire rauque et méprisant entr'ouvrit les lèvres de son interlocuteur. « Canaille » éclata-t-il. « Ainsi tu as dit à ce pouilleux d'où tu tenais les cartes qu'il a trouvées sur toi. Pouvais-je faire autrement? La chemise est plus près de la peau que la robe, et la charité bien ordonnée m'engage à sauver ma vie plutôt que celle d'un autre. Mais tranquillisez-vous, capitaine, votre nom n'a pas été prononcé. Il n'y a que le pauvre Guy Fawkes qui doit croire, mais... Après tout, c'est bien lui qui m'a donné les papiers. » Qu'il les eût reçus de vous d'abord, c'est ce que j'ai tué, comme un gentil garçon. » Le capitaine noir respira plus légèrement. « Je vois maintenant que tu n'es pas si bête que je croyais, » dit-il. « Mais continue, qu'as-tu fait ensuite ?»« J'ai songé au moyen de sauver ce pauvre Guy Fawkes. Par bonheur, il m'avait dit hier incidemment, en me remettant les papiers, que dans tous les cas, il devait aller pendant la nuit chez Don Ramiro. Je me rappelais cela. Et naturellement, je pris mes jambes à mon cou et rivalisais avec le vent pour avertir Guillatan, si c'était possible. « Et ?» fit simplement le capitaine. « Tout va bien, » reprit Nad en riant sans plus de soucis. « Il n'a pas eu trop peur quand je l'ai rattrapé à quelques 2 milles d'ici. Après que je lui ai tout raconté, naturellement, il s'est jeté dans la broussaille. Mais il avait une lettre de Don Ramiro pour vous et... Comme je portais l'uniforme bleu, Guy m'a donné le laissez-passer du général Smith, et j'ai accepté la mission périlleuse de vous apporter la lettre à sa place. » Le capitaine noir étouffa une imprécation. « Tête de sot !» siffla-t-il entre ses dents. « Remercie ta bonne étoile qui t'a fait me rencontrer. Sans cela, tu pendrais par le cou dès ce soir. Toute l'histoire a déjà été rapportée au général, et les avant-postes ont reçu l'ordre de s'emparer immédiatement de Guy Fawkes et de lui retirer la passe forgée par lui. « Malédiction !» s'écria Nad. « J'aurais été bien près de m'échauder 2 fois dans le même jour. Je vous remercie joliment. »« Où as-tu la lettre ?» demanda le capitaine. « Ici. » Il faisait alors assez jour pour que le capitaine pût reconnaître l'écriture. Lorsqu'il l'eut parcourue jusqu'au bout, il appuya son regard pendant une longue minute sur Nat Golden qui, dans ses vêtements militaires déchirés et souillés de boue, avec ses cheveux semés de caillots de sang et son visage enflé, faisait assez piteuse mine. « Ne m'as-tu pas dit tout à l'heure que tu connaissais Bill Cody depuis longtemps ?» demanda le capitaine avec une curiosité évidente. Nat se contenta d'incliner la tête. « Alors tu connais aussi ses sœurs, hein ? Si je les connais ?» Nous nous sommes maintes fois, étant enfants, assis devant la même soupière et disputés pour avoir la cuillère, déclara Nat Golden, heureux de ses souvenirs. Alors écoute, dit le capitaine après un autre instant de réflexion. À l'heure qu'il est, Bill Cody doit être dans l'impossibilité de nuire et il ne peut traverser mes plans. Pour tout dire, le général Smith l'a envoyé dans le camp des Confédérés. Oui, je sais, Guy Fawkes me l'a dit. Ils le pendent là-bas maintenant, c'est sûr. « Dommage, c'est un brave et gentil garçon. Je lui aurais souhaité un meilleur sort, » dit Nad, sincèrement ému. « Retiens ta langue, tête de sot, et écoute plutôt ce que j'ai à te dire, » grogna brutalement Bran, irrité. « La peste du drôle, il nous a causé assez d'ennuis. Écoute donc. Dans la maison des Cody se trouve une jeune fille du nom de Louisa. Cette jeune fille était au fort et elle s'est transportée là hier sur le désir exprès de Bill Cody. » Comme il me l'a écrit ici, Don Ramiro prend un grand intérêt à cette jeune fille. Il te faut gagner la confiance des habitants de la maison et de la fille, guetter l'occasion et trouver un moyen quelconque pour me faire chaque jour un rapport exact. Compris ? Oui, mais que fera-t-on de la jeune fille ? Demanda Nad. Je suis un honnête homme, capitaine, et si je tiens pour le sud, je ne voudrais pas commettre une vilenie. Qui te parle de cela, tête de sot ? Riposta Bran, l'air mauvais. « Ce que Don Ramiro veut de la jeune fille, et qui elle est, je ne le sais pas moi-même. En tout cas, tu as juré d'obéir ponctuellement, et tu connais les terribles conséquences de la désobéissance. Dans ton uniforme, personne du voisinage ne concevra de soupçons. Et s'il survenait quelque chose, réclame-toi de moi. Ce soir, ou au plus tard demain, j'attends de tes nouvelles. Maintenant, fais un détour pour éviter les avant-postes, et dirige ton cheval vers la maison des Cody. » Là-dessus, il laissa Nad en plan et rebroussa chemin. Pendant que ce valeureux citoyen le suivait des yeux, sa physionomie s'assombrissait de plus en plus. Enfin, il monta à cheval, perplexe et maussade. « Il faut que j'obéisse, c'est bon, mais ça ne change rien. Nous vivons en guerre aussi, c'est vrai. Bill Cody lui-même ne saurait m'en vouloir si je me rapproche de ses sœurs. Mais s'il y a du mal, je n'y tremperai pas. Le capitaine noir a le temps de se tromper sur mon compte avant que je passe au nordiste. » Il donna de l'éperon à son cheval et décrivit à travers l'épaisseur du bois un long circuit autour des avant-postes. Il faisait déjà grand jour lorsque Nat Golden atteignit la maison amie où Bill Cody avait passé les plus belles années de son enfance. C'était une auberge au coin d'une route forestière et la salle commune était toujours ouverte aux étrangers. Aussi Nad avait-il résolu d'entrer et d'attendre pour voir si la reconnaissance ne viendrait pas de ses anciennes compagnes de jeu, les sœurs de Bill. Il avait pensé juste. À peine était-il entré dans la maison, laquelle lui sembla extraordinairement silencieuse et déserte, et qu'il se fut installé dans la pièce réservée aux consommateurs, qu'une belle et svelte jeune fille vint à lui avec des yeux étonnés et interrogateurs. « C'est vous, Nad ? C'est bien vous, vraiment ?» demandait l'aimable demoiselle qui était une des sœurs de notre héros. Turc, le fidèle gardien de la maison, était couché derrière le poêle. Il se leva et vint flairer le nouvel arrivant. Aussitôt il se mit à gronder, et comme Nad voulait le caresser, il chercha, contre sa coutume, à lui happer la main. « Eh bien, Turc, qu'est-ce qui te prend ? » s'écria Elisa en le repoussant. « C'est Nad, l'ami Nad, ne le reconnais-tu pas ?» Mais le chien, qui avait le nez plus fin que sa jeune maîtresse, pressentait le danger que ce client apportait avec lui dans la maison. Il se retira derrière le fourneau, le poil hérissé, et continua de grogner et de surveiller Nad avec méfiance. « Il n'a pas l'air de me souhaiter la bienvenue, » dit Nad avec un rire forcé. « Mais vous aussi, Elisa, vous faites triste figure. Allons, qu'avez-vous, jeunesse ? Appelez donc la mère et la sœur que je leur serre les mains. Et pour moi-même, servez-moi une collation et de quoi boire frais. Je suis là, moulu, mort de fatigue. »« Vous avez l'air assez effrayant, en effet, » dit Elisa, dont les yeux s'étaient remplis de larmes. « Et mon Dieu, vous êtes sûrement blessé à cette terrible guerre. »« Bah, ne vous tourmentez pas pour une ou deux estafilades qui ne signifient rien. » reprit Nad avec son incorrigible manie de plaisanter. « En tout cas, mon estomac, lui, est grièvement blessé. Un bon emplâtre de jambon lui ferait le plus grand bien. Mais pourquoi ne riez-vous pas, jeunesse ? Et ce crétin de Turc qui gronde là-bas comme s'il voulait m'avaler, est-ce que vous êtes détraqués tous ?» Mais la jeune fille ne répondit qu'en secouant la tête et se hâta de sortir en pleurant. Nad se trouva donc seul dans la salle. Il se mit alors à regarder autour de lui. La première chose qu'il aperçut fut un nœud d'étoffe noire à la porte de la pièce voisine. Il resta interdit. C'est dans toute l'Amérique le signe habituel qui notifie que la mort est entrée dans la maison. Ainsi, il se conduisait comme dans une auberge et le crêpe de deuil était attaché à la porte des appartements particuliers de la famille. Nad était déconcerté. Il lui vint alors pour la première fois à l'esprit qu'Elisa, jadis si gaie, était vêtue de noir et que son visage était inondé de larmes. Lorsqu'elle revint et qu'elle mit devant lui le mets et la boisson, il la questionna avec empressement. « Dieu nous aide » s'écria-t-il, lorsque la jeune fille lui racontait en sanglotant la cause de son chagrin. « Votre excellente mère est morte et ne repose pas encore sous terre. Et que devient Bill ? Ah Dieu, c'est encore là le terrible !» répondit Elisa en pleurant avec plus de violence. « Comme vous, il est soldat. Et il a été obligé de partir en mission hier. Nous devons attendre son retour pendant 3 jours pour l'enterrement de notre mère. Et s'il n'était pas revenu au bout de ces 3 jours, c'est qu'il ne reviendrait plus, » conclut la jeune fille en éclatant brusquement en sanglots. Nad sentit quelque chose qui le serrait à la gorge en voyant la douleur inconsolable de son ancienne camarade de jeu. Il ne savait que trop que Bill Cody ne reviendrait jamais de sa périlleuse expédition et qu'il était même à ce moment-là un homme mort, bien avant qu'on eût couché le corps inanimé de sa mère chérie dans le sein glacé de la terre. D'un mouvement instinctif, il tendit la main à Elisa. « Ah, Nad, » dit-elle, « je suis si contente que vous soyez venue. C'est une consolation de voir un visage qu'on a connu aux anciens jours de bonheur. Nous sommes si inquiètes, comme s'il était arrivé quelque chose à notre bon Bill. » Et que deviendrions-nous alors ? Nous sommes déjà si seuls dans le monde. » C'est en vain que Nad cherchait quelque chose à répondre à cette douleur débordante. Il avait toujours une sensation de brûlure et d'étouffement dans le gosier. Lorsque la jeune fille fut sortie de la salle, il repoussa son assiette. Quelque appétissante que fût l'odeur du repas qu'on lui avait servi, son besoin de manger avait complètement disparu. Il se sentait rougir de lui-même. N'était-il pas un vrai Judas, et en train d'apporter dans cette maison, déjà vouée au deuil et au chagrin le plus profond, le poids écrasant de nouvelles souffrances ? Pauvre Bill, comme il avait été chevaleresque jusqu'au bout, il l'avait retiré jadis de l'eau avec le dévouement d'un bon chien qui secoue ses poils mouillés après le sauvetage en sautant de joie autour de celui qui l'a sauvé. Sans cet acte héroïque de Bill, Nad Golden serait depuis longtemps au tombeau. Mais Bill ne s'en était pas tenu là. Il avait toujours été un camarade fidèle et franc comme l'or. et comme il s'était bien conduit envers lui la nuit dernière. Quoique ce ne fût que parce que son fusil avait fait long feu que Nan n'était pas devenu le meurtrier de son ami d'enfance. « C'est honteux !» gémissait Nat Golden, la tête dans sa main, en faisant presque abstraction de lui-même. « Deux fois, le pauvre garçon m'a donné la vie, et maintenant qu'il est dans de si mauvais draps, je ne peux seulement remuer la main pour tâcher de lui rendre tout ce qu'il a de cher. Et si je voulais le faire, à quoi réussirais-je ?» Il se tourna vers le chien qui recommençait à grogner sourdement. « Oui, Turc, tu as raison, » dit-il à mi-voix, bourrelé de remords. « Dis-moi des sottises, je ne mérite pas autre chose. Ton pauvre maître ne reviendra plus. Ils auront fait son affaire avant que le jour soit fini. Et moi, misérable, je suis ici sur une chaise, à l'abri. Gronde, âme fidèle, tu as sans te tromper flairé le traître en moi. » À ce moment, il s'interrompit au milieu d'un mot et fit un effort inefficace pour se lever. Une main lourde et dure comme du fer s'était abattue sur son épaule et le maintenait fixé sur son siège. D'un bond puissant, Turc sauta de derrière le poêle et, avec des grognements et des grincements de dents qui ne présageaient rien de bon, vint se placer à côté du gigantesque inconnu dont le bras clouait sur sa chaise sans effort apparent Nad qui se tordait en vain. Depuis un moment déjà, cet homme était entré inaperçu dans la chambre par une porte latérale. Il avait pu ainsi, sans être remarqué de Nad, entendre sa confession faite à demi-voix. « Silence, pas de bruit, » dit-il au moment où, dans son trouble, Nad ouvrait la bouche pour crier au secours. « Mais je vous le demande, qu'est-ce que vous me voulez ?»« Silence, pas un mot tout haut, » répondit l'étranger d'un ton et d'un air réprobateur. « Il y a des femmes qui gémissent dans la maison et qui ont le cœur assez gros. Nous ne voulons pas, je suppose, augmenter leur peine sans nécessité. » « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous d'abord, et de quel droit me mettez-vous la main dessus ?» bégaya Nad, qui ne savait pas encore comment la chose était arrivée. « Je suis l'ami de Bill Cody, » dit simplement le géant. « Je sais où il a été envoyé. Et vous, mon petit ami, vous le savez aussi. Vos paroles de tout à l'heure m'en ont donné la certitude. Et comme je suis curieux, et que j'apprendrai volontiers quelque chose de plus, je vous requiers de me raconter tout ce que vous savez. » « Et si je ne sais rien ?» dit Nad furieux, en faisant un nouvel et inutile effort pour se délivrer de la poigne de ce grand gaillard. « Alors vous êtes un damné menteur, car vous en savez assez. J'ai parfaitement entendu tout ce que vous avez débité au brave Turc. Et si je me refuse à parler ?» L'homme ricana d'un air irrité. « Alors d'un tour de main, je coucherai à terre un cadavre de plus dans cette maison, » gronda-t-il. « Ça ne serait pas bon pour votre santé, mon petit ami. » « Vous avez mis ma patience à l'épreuve assez longtemps. »« Allons, laissons la grande salle et venez dans ma chambre, là, tout près. Nous avons encore quelques mots à échanger, vous et moi. » Et bon gré mal gré, l'énorme poigne enleva Nad et l'emporta dans la chambre voisine. Là, le géant le campa lourdement sur le lit et se plaça devant lui. « Et donc, mon garçon, nous allons une bonne fois causer clairement, nous deux. » « Faites attention, Bill Cody est mon ami. Il m'a, pendant son absence, constitué le gardien de ses sœurs. Je désire conséquemment qu'on ne touche pas un cheveu de sa tête, aussi vrai que je m'appelle Bob le Sauvage. »« C'est vous, Bob le Sauvage ?» fit Nad, très troublé. « Comme je vous le dis, mon petit. Est-ce que ce nom ne vous plaît pas ? Moi, je le trouve aussi bon qu'un autre. Quant au vôtre, il vous appartient peut-être légitimement, car nos jeunes filles vous connaissent. « Mais votre pelure est fausse, et je veux piquer un crocodile à la queue si vous n'êtes pas un espion des rebelles. »« Vous auriez de la peine à prouver cela, » dit Nad, qui n'était pas à la noce. « Croyez-vous ? Bon. Alors, quel numéro porte votre jaquette bleue ?»« J'appartiens au régiment du Kansas, » répondit immédiatement Nad. Une grimace qui pouvait passer pour un sourire contracta les traits de Bob. « Bien. » « Dites alors où se trouve votre régiment, les Jennison Jayhawkers, au Fort Hays. Vous êtes bien informé. Et pourquoi n'êtes-vous pas là-bas, dites ?» Nad fut un peu embarrassé et ne savait pas trop ce qu'il devait répondre. « Eh bien, est-ce pour demain ?» demanda Bob. Et avec le plus grand calme, comme pour aider la mémoire de Nad qui changeait déjà de couleur, il tira délibérément de sa poche un immense pistolet dont il appuya la gueule sur le front frissonnant de son interlocuteur. Écoute-moi bien, mon garçon. Crois-tu vraiment, jeune singe, que tu pourrais apprendre à Bob le sauvage comment on fait les grimaces? Allons, laisse-toi tirer les vers du nez. Je suis justement revenu du Fort Hayes en même temps que Bill Cody, de sorte que je sais à quoi m'en tenir. Donc, dis-nous la vérité, autrement je fais sauter ta cervelle de pitre avec ce gentil petit pistolet, et je te fais pendre comme espion par-dessus le marché. Comprends-tu, mon petit ange? Toute l'assurance de Nat s'était évanouie. Il n'avait plus aucune envie de faire le brave, et sa vie, cette fois comme toujours, lui était plus chère que celle des autres. Désarmez-le, il pourrait partir, gémit-il pendant qu'il réfléchissait rapidement à ce qu'il dirait sans inconvénient à son tourmenteur. Il avait pitié, il est vrai, de Bill et de ses sœurs, dont la cruelle destinée le touchait sincèrement. Mais il n'étendait point cette sympathie jusqu'à se mettre lui-même en péril. Écoutez donc, je vais tout vous dire, fit-il avec un profond soupir. Je ne suis pas un espion et j'ai juré fidélité à l'oncle Sam aussi bien que vous. Je suis du 7e régiment du Kansas, mais j'ai passé des semaines en captivité, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas. Par un hasard, j'ai réussi à m'échapper du camp du général Forrest la nuit dernière, juste au moment où l'on venait de saisir un espion, et cet espion était le pauvre Bill Cody. Et j'ai su aussi qu'il devait le pendre avant la fin de la journée. Voilà, c'est tout, je ne sais rien de plus. » Bob ne perdait pas facilement son sang-froid. Cependant, il ne put s'empêcher de sentir un léger frisson. Ce que l'homme disait pouvait être vrai, après tout. Il aurait dû accompagner Bill la nuit précédente. Il aurait dû mieux connaître la nature de sa mission. Et quoique Bill ne lui eût certainement confié aucun pressentiment de la mort, il n'aurait pas été mauvais ni désagréable d'être là quand on s'était emparé de son vaillant ami. Un instant, il sembla que le chagrin qu'il ressentait du malheur arrivé à Bill bouleversait l'esprit de ce rude chasseur de la prairie. Mais il surmonta bientôt son émotion. « Écoute encore, garçonnet, pas de faux fuyants !» reprit-il d'une voix sourde en brandissant son grand pistolet. « Je t'ai entendu de l'autre côté parler d'autre chose au chien. Qu'est-ce que tu disais à propos d'un traître que tu t'accusais d'être ?» Mais Nad était préparé à ce sujet de conversation. « Niaiserie ! » dit-il. « Est-ce que Bill ne m'a pas sauvé la vie ? Est-ce qu'il n'aurait pas été convenable d'intervenir pour lui ? Je n'en ai rien fait, mais j'ai au contraire profité de l'occasion pour me tirer d'affaire, et voilà pourquoi je me traitais de traître. Lâche !» Et d'un mouvement de sa lourde main, Bob méprisant, le planta brusquement debout. Puis il l'empoigna par l'épaule et le força à le regarder dans les yeux. « Jure-moi, par tout ce que tu as de plus sacré, que tout est vrai de ce que tu m'as raconté » fit-il avec une insistance menaçante. Nad ouvrait sans empressement la bouche pour répondre lorsqu'Elisa et sa sœur entrèrent subitement. Elles avaient vainement cherché Nad dans la salle commune et elles arrivaient, attirées par le bruit des bois. Elles poussèrent une exclamation de terreur en voyant Bob le sauvage menacer leur vieux camarade. « Pour Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? » demanda Elisa en s'approchant les mains jointes. « Pourquoi menacez-vous le pauvre Nad ?» Bob, tout déconcerté, se retourna en essayant de cacher son jouet de géant. « Aucune raison de vous inquiéter, miss, » dit-il aussi courtoisement et doucement que sa nature fruste le lui permettait. « Je demandais à ce jeune homme de me dire en toute franchise de cœur s'il n'était pas réellement un espion. « C'est tout ? » demanda Elisa rassérénée. « Vous pouvez vous tranquilliser. Nous connaissons Nad depuis bien des années. Bill et lui sont amis, pas vrai, Nad ?» Elle lui tendit innocemment sa main, dans laquelle Nad, le visage tout rouge, mit la sienne. « Certainement, Elisa. J'aimerais mieux prendre du poison que de causer du mal à ton frère, moi le sachant. » Ces paroles avaient tellement l'accent du cœur qu'elles calmèrent les soupçons de Bob le sauvage. Ce n'était pas un homme à attendre ou à hésiter longtemps. À peine Nat Golden avait-il quitté le corps de Mrs. Cody, auprès duquel il s'était fait conduire par ses filles, et était-il revenu dans la salle de l'auberge, que Bob s'approcha en clignant de l'œil. « J'ai regret de ne pas vous avoir rendu justice, ami, » dit-il d'une voix sourde, « mais je n'en ai pas moins envie de tirer tout au clair. »« Très juste, » interrompit Nad, qui voulait s'affirmer. Bob le sauvage reprit. « Vous pouviez avoir vos raisons pour ne pas me communiquer une partie de ce que vous savez. Mais vous êtes un homme en face d'un homme, » Vous devez la vie au brave Bill, et moi je l'aime mieux que ma propre vie. Il faudrait être le plus vil coquin qu'ait jamais porté la vaste terre du bon Dieu pour me faire croire des mensonges sur ce brave garçon. Allons, parlez, où en sont les affaires de Bill? Je ne veux rien savoir d'autre. » Il y avait comme une prière embarrassée dans les yeux du géant. De son côté, Nad avait eu tout de suite l'impression qu'il pouvait sans crainte se confier davantage. « Très bien. Écoutez donc tout ce que je sais. J'en jure par cette pauvre femme morte qui a pris rang parmi les élus. Bill est prisonnier et ils le pendront ce soir. Il a été dénoncé au général Forrest par une tierce personne, ainsi que pour quelle mission il venait au camp. Je n'en sais pas davantage. » Un gémissement s'échappa des lèvres de Bob. Il restait courbé comme s'il venait de recevoir un grand coup. « S'ils le pendent, les chiens, comme un lapin, ce superbe et admirable garçon !» Ces paroles et d'autres semblables lui venaient à la bouche, entrecoupées et incohérentes. Il se jeta sur un siège et, en gémissant, se prit la tête dans les deux mains, les yeux fixés droit devant lui. « Combien de temps faut-il pour aller au camp ? » demanda-t-il tout à coup en se relevant d'un geste brusque et résolu. « 6 heures au moins, avec un cheval frais. » Et même 5 heures quand on court pour la vie d'un homme, grommela Bob le sauvage. Il jeta un coup d'œil à la pendule et se leva. 10 heures et demie. J'ai encore besoin d'une heure. Pourrais-je être à 5 heures au camp? Dit-il comme s'il se causait à lui-même. Vous ne pensez pas vous risquer tout seul dans le camp? Demanda d'un air stupéfait Nad qui n'avait pas perdu une de ses paroles. Ce serait ce qu'on appelle porter soi-même sa peau au marché, sans que vous puissiez d'ailleurs secourir Billy. « C'est mon affaire, Blanc-Bec, » riposta Bob rudement. Il vint près de Nad et lui plongea son regard dans les yeux. « Écoute-moi encore une fois, mon fils. Je ne sais pas bien ce qu'il faut penser de toi. Une voix me dit que tu pourrais bien être un farceur, mais que tu n'es pas tout à fait mauvais. Et puis les demoiselles ont confiance en toi. Cela me prévient en ta faveur. Veux-tu me promettre de rester tranquillement à la maison jusqu'à ce que je sois de retour ? Mais que comptez-vous faire ? Demanda Nad, troublé de ne pas comprendre grand-chose à l'homme et à ses projets. « Donne-moi la main, comme un honnête garçon. En gage que tu protégeras les demoiselles, quoi qu'il arrive, » dit Bob d'un ton pressant. « Je n'avais pas beaucoup confiance en toi d'abord. Mais maintenant que les demoiselles ont pris ton parti, et du moment que tu es l'ami de notre courageux Bill, tu es son ami, n'est-ce pas ?»« Oui, je le suis. Je ne mens pas, » affirma Nad, mettant dans ses paroles une sorte de gravité religieuse. Ils se donnèrent mutuellement la main droite. « C'est bon, il m'est venu une idée. Nous verrons s'il n'y a pas encore moyen de faire la nique à ces sacrés rebelles, et si l'on ne peut pas leur faire lâcher mon ami Bill, ce jeune héros dont le cœur est d'or. » Il ne dit plus rien et quitta la salle. En proie à une mêlée de sentiments contraires, Nad resta donc à causer avec les sœurs de Bill, tout heureuse de sa venue qu'elle ne prévoyait pas. Il n'eut pas de peine à faire dire à ses jeunes filles sans défiance qu'il y avait une étrangère dans la maison, mais Louisa, après les fatigues et les émotions qu'elle avait supportées, dormait encore, calme et paisible. Il apprit aussi que Bob le Sauvage appartenait à la garnison du fort et qu'il était chargé d'accompagner Louisa. On lui avait donné 3 jours de congé, temps au bout duquel Bill Cody devait être de retour. Une heure plus tard environ, il sembla à Nad qu'un léger véhicule sortait de la maison sur le chemin. Rien n'est indifférent pour un espion. Il alla regarder par la fenêtre. Il aperçut une voiture à 2 roues, comme ont coutume de s'en servir les paysans et les colporteurs du pays, attelée d'un cheval ardent qui piaffait. Quelqu'un qui avait l'aspect de Bob le Sauvage conduisait le cheval par la bride et se préparait à sauter dans la voiture. Comme il se retournait, Nad vit qu'il avait dû se tromper et reconnut le personnage. C'était une figure tout à fait idiote qui, du chemin, le regardait en clignotant. « Fritz le Beg !» s'écria involontairement Nad. Curieuse, les sœurs de Bill accoururent à la fenêtre derrière lui et regardaient aussi au dehors. « Fritz le Beg !» s'écrièrent-elles également d'une seule voix. « Le connaissez-vous ? » demanda Nad en se tournant vers elle. « C'est un garçon qui fait de bonnes affaires. Presque tous les jours, il était au milieu de nous au camp. Il en est absent pour la première fois depuis une semaine. Mais d'où vient-il ? » « Il a fait sortir cette voiture de la maison. »« Mais c'est notre carriole !» s'écria Lisa, très ennuyée. « Qu'est-ce qui lui prend ? Elle ouvrit la fenêtre. « Oh là, Fritz » cria-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux faire avec notre carriole ? Et d'où viens-tu ? » Cependant, Fritz le bègue était monté dans la voiture et faisait claquer le fouet. Il cligna de l'œil à ceux qui l'appelaient avec une expression de visage extrêmement comique. « Oh, je pensais que nous aurions ce soir une petite plaisanterie !» cria-t-il d'une voix croassante dont le son aigre rappelait le grincement d'un compte-porte mal huilé et qui aurait irrésistiblement arraché des rires à des auditeurs moins affligés. « Qu'est-ce que cela signifie ? » s'écria Nad qui s'irritait. « N'entends-tu pas, fou que tu es, que tu as volé cette voiture ici ?» Il faisait mine de sauter dans le chemin par-dessus l'appui de la fenêtre. Mais Fritz le bègue brandit son chapeau qu'il avait tenu jusque-là enfoncé sur ses yeux. « All right ! « Tout va bien » s'écria-t-il d'une voix puissante qui ne ressemblait en rien au bégaiement de tout à l'heure. « Ça va bien, jeune homme. Et vous, mes douces demoiselles, ne vous tourmentez pas. Fritz le bègue fera ce qu'il faut faire. Vous le reverrez avec le brave Billy, ou vous ne le reverrez plus dans cette vie. Et maintenant, à la grâce de Dieu !» D'une rapide secousse des rênes, il fit partir le cheval. Complètement abasourdi, les jeunes filles et Nat Golden le suivirent des yeux. « Mais c'est Bob !» s'écria enfin Elisa, secouant sa surprise. « J'aurais bien mauvais flair si ce n'était pas lui !» déclara Nad, qui restait la bouche ouverte d'ébahissement. Soudain, il se frappa le front. « Mais c'est tout simple. Bob le Sauvage et Fritz le Bègue sont une seule et même personne, et ce prétendu idiot est un des plus habiles serviteurs de l'Union. » À ce moment, Louisa entra dans la chambre. La conversation menée jusque-là à voix haute fit immédiatement place au silence. Nad se tut, frappé d'admiration par la beauté de la jeune fille, tandis que les sœurs de Bill, prises au dépourvu, se regardaient et visiblement ne savaient que dire. En tout cas, elles auraient voulu épargner à Louisa les derniers événements. Mais les deux sœurs avaient compté sans la loquacité vite revenue de Nad Golden. Louisa, rougissant et blêmissant tour à tour, apprit ainsi le danger mortel que Bill courait. « Et j'attendrai ici, inactive, la nouvelle que ce noble et jeune héros, qui a si récemment joué sa vie pour mon salut, a été exécuté comme un vulgaire espion ?» s'écria Louisa dans l'emportement de son émotion. « Non, mille fois non. Il faudrait que je fusse sous terre. Donnez-moi un cheval, je cours vers lui. Là où la bravoure de l'homme n'a pas réussi, la finesse de la femme réussira peut-être. » Toutes les insistances pour la dissuader furent inutiles. Louisa se précipita dehors, sortit un cheval de l'écurie, le harnacha rapidement de ses mains et sauta en selle. Cet esprit de sacrifice avait enflammé Elisa de la même ardeur. Elle aussi était prête à s'offrir elle-même pour le salut de son frère et au bout de quelques minutes, elle s'élançait légèrement sur le dos d'un second cheval. « Mais c'est que j'ai promis à Bob de rester auprès des jeunes filles !» s'écria Nad, très animé. Ce disant, il prit le dernier cheval et l'enfourcha. L'autre sœur demeura avec les domestiques pour veiller au service de l'auberge et la petite caravane se mit en mouvement. C'est de la chance tout de même, songeait en riant en dedans ce traître de Nad. Voilà que jamais ne donnera Miro la jeune fille qu'il désire et que je vais en recueillir sans doute l'honnête récompense.